Come on, let's go. Madonna! Alla giovane successione. Salut tout le monde, vous écoutez Sous Pression, une émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à tous les semaines à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio à Ottawa au CHO 89,1 FM et à Yellowknife CVR 103,5 FM. Moi je m'appelle Mathieu et bien sûr je vais vous faire jouer du Punk Sky Hardcore tout en français pendant 60 minutes. Cette semaine, bonne émission planifiée pour vous. Je vais la commencer tout de suite. On va commencer avec du nouveau du 8-6 Crew, du Skinhead Reggae, de leur album Working Class Reggae. C'est le morceau Ballroom Bash. Voici 8-6 Crew à Sous Pression. We'll be right back. J'ai croisé dans le bus oh, Aretha. Elle m'a dit qu'elle ne priait plus oh, qu'elle n'avait plus la foi. Je n'ai pas oublié le rêve oh, du pasteur Martin Luther. Je veux l'égalité des droits, car quand je te regarde dans tes yeux, je me vois. Ne baissons pas la garde, les phalanges de l'ordre ressuscitent. Rejoins le front de la jeunesse, serrons les rangs, soyons unis. Le front de la jeunesse, serrons les rangs et frappons vite. worthy. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter Les Partisans de leur nouvel album Rallumer tous les soleils. C'était le morceau Rouge Baiser. Alors, à la fin, un petit échantillon d'un discours par Martin Luther King, qui, bien sûr, un militant pour les droits civils, les droits, l'égalité, militant antiraciste aux États-Unis qui s'est fait assassiner en 1968, et aujourd'hui, Martin Luther King est vraiment... On l'utilise comme symbole de changement non-violent et du pacifisme. Et on ignore souvent que Martin Luther King était voué au pacifisme, mais qu'il se servait aussi beaucoup de la désobéissance civile. Il refusait de condamner les émeutes. Et que c'était un grand partisan de l'égalité et de la justice économique. Quand il s'est fait assassiner en 1968, il était, je crois que c'était à Memphis, il était dans la ville pour appuyer des grévistes dans la ville qui luttaient pour une plus grande égalité, non seulement l'égalité entre les races, mais aussi une égalité, une justice économique. C'est un côté de son histoire qu'on oublie souvent. Je pense qu'on oublie, en tout cas ici au Canada et en Amérique du Nord. Je pense que c'est pas un accident qu'on l'oublie, que le gouvernement va parler de lui et qu'ils vont pas parler de ce côté-là de ses politiques. En tout cas. Du Scott and Panic People avant ça avec Entre les lignes, Esclaves salariés avec Novembre de leur album et un problème sans suite. Et on a commencé le bloc avec du 8-6 Crew, du nouveau du 8-6 Crew de l'album Working Class Reggae, le morceau Ballroom Bash. Alors je continue avec une autre nouveauté, le groupe Rancœur, groupe de Rouyn-Noranda, un peu punk emo. Je vais faire jouer le morceau Grand Brûlé, c'est de leur premier EP qui vient tout juste de sortir récemment, ou en tout cas ils l'ont tout mis en ligne au complet à partir de leur site Bandcamp. C'est bon, c'est dans ses membres de plusieurs groupes, incluant les prostituées et l'équipe. Je vais faire jouer le morceau Grand Brûlé, alors voici du Rancœur à Sous Pression. Oh, t'en prie, fais-moi sentir bien. Parle-moi des piles contre les gens. Mais trop haut, genre, tu me sens totalement mort. Record de certains, l'approbation qui s'en soutiennent auront défilé de ma vie plus que moi-même. J'ai l'empathie qui saigne. Présidents désignés des déprimés notoires. Ce sont des aldatis, des sénons, des urinoirs. Calcule pas le son. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. J'ai envie d'écouter du Défaite de la Répit Posthumain, le dernier EP du groupe Défaite. C'était le morceau L'Invention de Morel. Du Diego Palavas avant ça, de leur plus récent album, le morceau En Cavale, c'était le morceau Obsidienne. Fortune Cookie Club avant ça avec l'autre, le morceau s'appelait Prière numéro 2, Princesse Amygdalite. Et on a commencé avec du Rancœur, nouveau groupe de Rouyn Noranda. On a sorti un EP éponyme de 4 ou 5 titres très récemment, c'était le morceau Grande Brûlée. Alors, c'est ça, on est rendu mi-chemin de l'émission. Si vous écoutez à la radio, allez checker souspressionpunk.com, ça j'ai déjà mentionné. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/souspression. Allez checker ça si vous êtes sur Facebook, cliquez et j'aime. Et bien sûr, si vous voulez envoyer un message courriel, info@commercial souspressionpunk.com. Et maintenant, c'est le temps du bloc sono mondial, moment de l'émission où à chaque semaine on fait jouer des chansons par des groupes qui chantent ni en anglais et ni en français. Question un peu d'explorer le punk international. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe de l'Italie. Le groupe s'appelle Urban Viet Cong. Ils ont sorti un album qui s'appelle A Colpi di Machete. Je vais faire jouer deux morceaux. Le morceau A Pugni con la Vita et Tra le Luci della Città. Alors, du bon hardcore de l'Italie. Voici du Urban Viet Cong à sous pression. Ci sono la notte finirà, nel balcone non si lo poterà. Bisogna fare conti in questa vita in cattività, ci vuole dalle di tarare sole rissa, gli alcolici e la brezza marina curano ferite, vive al cuore qualche spina. Ricorda le tue strade, le sue storie, la sua gente, ricordi i delemi tatuati nella mente, un abbraccio di fratello di battaglia, e il mio occhi sale rappresaglia. E la nostalgia un po' se ne va, tra le luci e la città, e l'abbraccio dei suoi bar, e anche questa notte finirà, il balcone così lo porterà. C'était Urban Vien Kong avec A Pugni con la Vita et Tra le luci della città. On continue maintenant avec La Gâchette et Les Moussaillons. Attaque le diable, c'est la seule solution.

We'll be right back. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Suppression. Bien d'écouter du traître de la compilation Give Rest a Chance, le morceau Usine. Dur cœur avant ça de leur premier démo, le morceau Ville froide. Et Dur cœur, comme je disais la semaine passée, vont sortir quelque chose de très bientôt. On a tout hâte d'attendre ça. Streets of Rage avant ça, de l'album East Side Pirates, c'était le morceau East Side Pirates. Monoxide avec le morceau Rien, tiré de leur premier album qui vient tout juste de sortir samedi. En fait, leur concert de lancement samedi ou vendredi. Je ne me souviens plus. En tout cas, la fin de semaine qui vient de passer. Et si tout se déroule bien, on aura une entrevue avec Monoxide à l'émission soit la semaine prochaine ou la semaine suivante. J'essaie la semaine prochaine, mais en tout cas, ça sera bientôt. Ça va se passer, alors restez à l'écoute pour ça. Avant Monoxide, on a écouté La Cavale de leur EP 4Action, le morceau Control. Et on a commencé le bloc avec La Gâchette, le morceau Les Moussaillons de leur album En Route vers Demain. Et je vais vous laisser maintenant avec une chanson par les prostituées de leur album Sexe en stéréo. Je vais vous faire le morceau. Je pense que je vais faire jouer Rock'n'Roll à chier. Bon morceau, le deuxième morceau de cet album-là. Alors c'est ça, passez une excellente semaine, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Voici les prostituées. Fuck the time.